médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour aussi aux autres, bien entendu. Vous entrez dans Plus Fort J'entends Rien, le mag d'actualité qui est tout terrain le mercredi à midi, rediff à 19h et le jeudi à 8h du matin. Et bien aujourd'hui au programme de ce magazine, ça me fait toujours un peu bizarre, je dois vous le dire. C'est un magazine qui va brosser l'actualité musicale de cette rentrée 2024. Et c'est vrai que quand on approche du gouffre d'une guerre totale au Moyen-Orient, il y a des jours comme ça où parler pendant une heure de musique me semble bien vain, bien anecdotique de parler de ces disques qui sont très bien. Hein. Certains resteront sans doute, d'autres seront oubliés. Il y a des jours comme ça où effectivement la légèreté par exemple d'un magazine musical me fait un peu étrange, et j'y ai retrouvé du sens ce matin en me disant que finalement, eh bien, quand il y a plein de choses qui vont mal, l'humanité a inventé la drogue, l'antidépresseur, et c'est ça que je vais vous servir pendant une heure. Pensons donc à autre chose, avec une drogue pleine de gammes, de notes et de toutes les émotions qui remplissent la musique. On va commencer en douceur, puisque l'antidépresseur, plus c'est doux, mieux ça marche, avec un des coups de cœur de La Ferra Rock, notre réseau de radio national, que vous retrouverez aux côtés de l'autre coup de cœur, Tramhouse, dans l'émission Dig Dig Diggers, le vendredi de cette semaine, à midi 19h et rediff le lundi à 8h. Il s'agit de la folk légère, feutrée, fraîche et naïve de Lewis Evans, sorti sur ZRP. Cet album s'intitule Cœur Céleste et je vous propose la quatrième plage de ce disque, Jumbo Plane, sur le 895. In the sky, I know it's you, talking like someone new. Heard you telling me all those words that you gave to me in my blood. I find my faith was so different now, different now. Whilst the train is going faster, I can hear the birds away. Seen the magic in so long, telling me that something is wrong. I know, I am leaving here. Jumbo plane, jumbo plane, jumbo plane. essayant de bien faire mon travail et d'être le meilleur des antidépresseurs, j'ai aussi pas mal de cadeaux à vous faire gagner, notamment le CD de Lewis Evans qu'on vient juste d'entendre. Si vous appelez au 04 77 438 895, mais aussi des places de concert, ce qui me fait enchaîner avec le morceau suivant qui se passera dans le cadre du Rhino Jazz Festival du 28 septembre au 20 octobre 2024. Vous avez déjà entendu la programmation du Rhino et bien aujourd'hui je vais vous proposer d'écouter Cindy Pooch qui sera en concert à Sorbier à l'Échappée en trio le mardi 8 octobre à 20h. Cindy Pooch a sorti des albums sur le très bon label Infine, plutôt connu pour son espèce de finesse électronica un petit peu savante comme ça, et elle officie alors certes avec toute une musique un peu électro par derrière, un peu jazzy, mais clairement dans un registre beaucoup plus pop 2024, une pop un peu libérée et assez modernisée comme pas mal de gens en écoutent, n'est-ce pas? Elle sera donc en concert de ce côté-là et on a aussi des places pour les frères Belmondo et leur groupe Dead Jazz qui joue le Grateful Dead. Là, ce sera le 3 octobre à 20h30 au Fil à Saint-Étienne. Même punition, même combat, 04 77 438 895. Voici tout de suite Cindy Pooch avec Le goût de ça sur le 895 de Radio Dio. Plus fort, j'entends rien. Le goût de ça, tu as le goût de ça, mais je ne te trouve pas. Les fois, t'es froid, le froid n'est pas ce que j'attends de toi. Tu as le goût de ça. Tombe le cacao sur ma bouche, coule l'eau du vouri sur mes cuisses. Tombe le cacao. Sur ma bouche, coule l'eau du vouri sur mes cuisses. Sans goût de ça, sans goût de ça, tu ne connaîtras pas le goût de mes émois. Que c'est triste. Désordre soi, désordre soi. Sur mes cuisses. fort, j'entends rien, dédié à la programmation musicale et la sélection de Radio Audio. Et je vais commencer par deux petites chroniques, des disques un peu de personnes un petit peu installées dans le paysage musical, ce qu'on appelle les grosses rentrées de la sortie. Enfin, pas les plus grosses, mais quand même, quand même, quand même. Et j'ai choisi de rassembler ces deux disques parce que ils font tous les deux la part belle à une utilisation de la voix qui plutôt cantonnée à la trappe ou au rail, c'est-à-dire du pitch, de l'autotune, du délai, une voix toute défoncée, modernisée, mais dans du rock'n'roll. Le premier disque que j'avais envie de présenter, c'est vraiment un disque qui m'a beaucoup beaucoup parlé. Il s'intitule The Breaks, est sorti chez Joyful Noise. Et c'est le nouvel album de Sons, Sons avec deux U. C'est un groupe de Montréal depuis 2007 qui déjà met pas mal d'électronique dans son rock'n'roll et qui là, eh ben, largement fait la place à une voix très auto-tunée sur l'intégralité du disque. Alors, bien sûr, les gens qui en écoutent depuis des plombes se disent « Bon, ok, maintenant ça arrive dans le rock'n'roll, les papis ont compris que c'était là, etc. Mais on commence à en avoir marre de l'autotune, ça fait quand même plus de 25 ans qu'on en entend. Est-ce que c'est vraiment novateur ?» Eh bien, je ne répondrai pas à cette question. Je vous ferai écouter le morceau, puis vous me direz bien ce qui ça vous parle. Et l'autre morceau avec lequel je vais enchaîner, c'est un grand retour. Celui de Alan Sparhawk, qui officiait dans le duo Low, qui a forcément pris un coup dans l'aile avec la mort de sa compagne dans la vie et dans la musique, Lily Parker. Il revient donc avec un album solo et a largement décidé de prendre à contre-pied cette pop précieuse, cette chanson douce et millimétrée qui faisait toute l'âme du duo Low, en faisant... je sais pas, de la musique comme un punk lofi avec des boîtes à rythme, une voix pitchée, défoncée. On se demande même s'il sait chanter. C'est quand même vraiment assez audacieux. Je sais pas si j'aime tout le disque, il m'a un peu interloqué. Écoutez, pareil, je vous ferai écouter ça et puis vous me direz bien ce que vous en pensez de cet album White Roses, My God, sorti ce 27 septembre. Ce 27 septembre dernier chez Sub Pop. On part tout de suite pour Sons, et puis on enchaînera avec Alan Sparhawk sur le 8-9-5. Not too late. surround myself with. I can please myself with the little things that I seek out. Seek out. I can please myself with the things I seek out. Seek out. I can please myself with the things I seek out. Surround myself. I can please myself with the things I seek out. Seek out. Radio-Dio, 89.5 FM. Alan Sparrow, donc, à l'instant, sur le 89.5. Et maintenant, eh bien, on va faire un petit focus local, non pas sur un groupe, mais sur un label dont on vous parle assez régulièrement ici. Il s'agit de Vox Project, label centré sur une esthétique rock assez nerveuse qui, en cette rentrée, eh bien, sort ni plus ni moins 3 disques coup sur coup. Je vais vous présenter ces 3 disques, l'intégralité donc des nouveautés de Vox. Je vais les présenter dans l'ordre de sortie qui, notons-le, car parfois le monde est bien fait, malgré tout ce que j'ai pu dire au début de l'émission, qui donc coïncide aussi avec l'ancienneté des groupes. On commence donc par le plus âgé de ces projets. C'est le 4e disque de ce groupe qu'on défend pas mal sur Dio. Il s'agit de Jen, ça s'écrit Z-E-N. C'est un groupe de musiciennes croates sorti et accompagné par Monly Records et Vox Project sur chacun des LP, me semble-t-il. Là, c'est le 4e donc et il s'appelle Cyclus. Il continue à faire la part belle à ce rock indé, un peu sombre, un peu mélodique, qui s'énerve, qui chantonne, qui varie largement en émotion. Et bien, je vous propose tout de suite d'écouter le titre Nedamiz, 2e morceau de ce Cyclus sur le 89.5. Le focus sur le label stéphanois Vox Project continue avec la deuxième sortie de cette rentrée. Et je viens de trouver une autre gradation un petit peu dans l'ordre dans lequel je vais diffuser ces sorties. C'est aussi quand même des disques où le titre va être de moins en moins original. La preuve avec ce deuxième album du duo basse-batterie Boucan qui nous vient de Lyon. Le premier était sorti il n'y a pas très longtemps, un an ou deux je crois. Il avait eu le mérite au moins de bien transférer l'énergie de leur live. Alors peut-être que c'était un peu trop et moi je trouve que c'est peut-être un petit peu étouffant. On fait pas exactement un disque comme on fait un concert, mais bon, c'est mieux qu'un premier disque mou aussi. Là en tout cas, eh ben, on a un peu, j'ai l'impression, appris à s'enregistrer et il y a un peu plus de coupures qui mettent en valeur via pas mal de cassures les structures un peu fines et travaillées de Boucan. Je vous propose pour exemple ce morceau Sabotage. Peut-être au pluriel. C'était Boucan à l'instant sur le 895 et la troisième sortie du label Vox Project arrive tout de suite avec des nouveaux venus, donc un premier album qui s'intitule sans titre, puisque ce disque de Disco Boule semble s'intituler Disco Boule. Je n'en sais pas beaucoup plus sur ce groupe qui dit simplement venir de la diagonale du vide, quelque part dans les méandres de l'enfer de la moitié nord, sans doute. En tout cas, bref, ils arrivent a priori à s'en sortir à peu près dans la vie. En tout cas, ils ont réussi à faire un album largement référencé, il faut bien le reconnaître. C'est marqué dans la présentation du disque et c'est vrai que ça saute immédiatement aux oreilles. Ces jeunes gens ont beaucoup écouté le groupe Marvin et ce matrock très très dance floor qui faisait sa spécificité. Allez savoir si, tout comme Marvin, ils ont fait un premier gros tube dès leur premier disque et qu'ils vont avoir du mal à l'égaler. Eh bien, nous le verrons bien. En tout cas, clairement, le Sparadrap, qui est le morceau d'introduction, se détache pas mal du lot de ce disque. Un morceau de rock pour danser, donc. Signé Disco Boule, produit par Vox Project. Radio Duo 89.5 FM. On va changer de registre et d'esthétique dans ce magazine plus fort, j'entends rien, consacré à mes petits coups de cœur de cette rentrée collectée dans ce mois de septembre ou à sortir sous peu. Et on va accompagner plutôt un focus qui a été fait par un label, excellente idée à vous, cher Wiser Records, un focus sur la scène électronique chinoise. C'est vrai que quand on est en France, on entend parler de la Chine que comme une espèce de post-communiste capitaliste opposé aux États-Unis, qui a tout du grand méchant, qui soutient Poutine, etc. etc. Mais il y a quand même des gens, des humains, derrière cette grande entité du pays de la République communiste de Chine. Et ben, semblerait-il, il y en a même qui font des musiques électroniques. Je vais faire deux focus sur les trois qui ont été sortis et promus par Wiser Records. Et je vais commencer par Taiga. Taiga est un, c'est très asiatique, hein, vous verrez comme nom, un duo de basse musique qui parsème sa musique de son traditionnel chinois. Le duo vient de Xinjiang, en Mongolie intérieure, nord de la Chine. Donc, je vous propose un extrait de leur discographie. Pour l'instant, moi je n'ai pu entendre qu'un single, c'est une sortie... c'est pas une sortie d'album, je veux dire, ni de EP. Il s'appelle Puzzle, donc voici Taiga sur le 895. Petit air de basse musique old school, me souffle-t-on à l'oreille, donc pour ce Taiga. Et la deuxième découverte promue par Wiser Records, et là dans une esthétique beaucoup plus techno. Ça s'appelle Gvalda, C-V-A-L-D-A. C'est une productrice originaire de Chengdu, c'est dans le Sichuan, donc près du Tibet, cette fois donc au sud de la Chine. Gvalda est active depuis plus de 20 ans en tant que DJ, en tant que productrice, en tant que programmatrice pardon, de son club. Et là, je vais vous faire écouter un extrait de Fountain, son EP qui est donc sorti ce mois de septembre 2024. Le morceau s'intitule « Entertainment is Controllable Fear ». J'adore mon accent, j'adore. We'll be right back. sauvage, impénant, Radio-Dio, 89.5 FM. Et voilà, plus fort j'entends rien, on va retourner au concert à Saint-Étienne. Et un concert qui me tient à cœur de présenter, puisque c'est quand même pas tous les jours qu'il y a des soirées rap de cette qualité ici, malheureusement. Et donc un gros big up à l'orga de ce concert Rap So. Ça se fera à la MJC des Tilleuls, fraîchement redécorée pour l'occasion dans la verrière. MJC des Tilleuls, rue du pavillon chinois du côté de Montau. Et ce Rap So sera organisé en soutien aux Brigades de Solidarité 42, une entrée à prix libre, bar et bouffe. Sur place, puisque ça commence tôt, je retrouve pas l'heure sur le flyer, mais il me semble que c'est à partir de 19h30, 20h, quelque chose comme ça. Et au programme, il y aura Caméléonx, il y aura DJ Bâtarde International, il y aura bien entendu le DTP Crew, la Gova, les rappeurs de la MJC seront aussi dans la place, et deux projets que je vais vous présenter maintenant. Notamment 01D qui réunit Benji, Mossa et DJ Loconel, qu'on va écouter tout de suite. Ça vient de l'Ain, c'est du rap en français, c'est du rap militant. Et j'enchaînerai avec une super découverte, ma découverte un petit peu de cette soirée. Il s'agit de Black Wind. Black Wind, on peut l'appeler aussi Mehdi Lioubi. Il est originaire de Salé, au Maroc, c'est à côté de Rabat, et réside à Marseille depuis plusieurs années dans... Il a l'air d'officier pas mal dans la scène underground et militante marseillaise. Il a sorti 2 EP et on écoutera son flow en marocain. Excellent flow, je dois dire. Très bonnes instrus old school. Grosse découverte. Donc, ne ratez pas ce concert le 5 octobre 2024 à 19h. Ça y est, c'est marqué sur le flyer, mais c'est moi qui le voyais pas. Rapso donc à la MJC des Tilleuls. Je vous propose tout de suite 01D suivi de Black Wind sur le 8, 9, 5. Et je vais faire l'inverse parce que là je trouve pas 01D. Donc on va faire d'abord Black Wind et ensuite 01D. القوادة دين مو الشوع المجتمع دين مو محوي البراش باغي تصوك تيسلا بالمرقة وفليكس وفان بيس شد المود بالكتبة بالارقام تيسلا فورتكس خاصني كاب ديال استرو باش نطاقي دمهم في عرض الحيط سباش جلد في الداش متمخ شداتهم ريغور مورتيس فوق القلاوي كامل من المخبير حتى الزونال تيس وخا الحيط سبرديت شي غنتوخم ليهم في الموكيت بحال الغليظ بحال العادات طلعو قرودة في العدين وخا المسموم مالح كحال كلمات ديب والسيانين مدوخنيش باللونكاج واخاش نتنطق بلوغتو جراح ليكسيكال وفراسي عرمة ديال البروتولز روابط عام الجوع مخير فيهم الواعن كوس لاوي كاع مقمور الفجر جاو ميشرفو بحال المول مورا كبرين وسط الزو بلاكا جوز سلال بالي صارت روابط بالعانك جهنم وهلمين مازيد خاطينا زواق سماتي هنا ستيلو كيجي من التالي هضرة سفاح ليريكال حط فادهم فوق الشارج لاراج كونتر ماشين خالقينهم كي المونوكسيد اختاريت نعيش تخويون بين بلاد لو بون اي لا بغوت فوق القواعد جينا كي المهدي صالخ الاربيط العياد وبلال دماغنا تحط فوق شي فات بيت فاد باب الشيت ما تخلطش خراك بعالمي خسارة حتى وصلوا الارض عاد بغاو يرخيو الباراشوت عرس بربري مد بحري مغرقين رخابيلك معاهم كاين فرق كي نصورة والعند الليب وحق الرب تموت احسن بلان احسن ستون في الحياة فمشين يقدر يكون هو هذا واش تبارطاجي مع بنادم موسيقى افكار صاحبي افكار افكار صاحبي بنادم صاحبي شي بدم شي غوج شي غوج صاحبي شي غوج تيهضر معاك شي غوج تيهضر معاك كارت سموك البلاك في كلام غيجيك شي كلاك 103 خاطفة الساك نيفو معلق مباعي مشاري ما مسترتش الناق في الزجال سمعنا الراق ماشي لطفي بلو شناق في العيون قالوا حماق وش الرفاق ضربهم صيصة يعطاوك انت وباك وزيدوا تشالا دريسة فيسة عشرين دل البارح كوزوا للشيطان من بركة ما جايت تدارع تشامبيون الويدان لا راجل لا ويداد عمر تحنا بغيناه الوطن حشيناه السودادي وحيماه جيت نفرماطيك عندي ليك المود باس يو نتا الحاس وخباك قراك ماركس ولينا اورثودوكس حيت نتوما زدتو فيه سينا ماشي ديمودي صعيب عليك ديكودي فاك البارودي والشباب الملاكي حنايا لاعبين قارودي والشيطان جاي باكي طايحين بالساكي ماشي ولاد سيتي زاوا معاك جوج لي ساموراي نساهم كوروزاوا بلا جناوة هنا كل عندو الخقار ما تقلاش الفوسفار وقاسو لينا البروستار كنغفل بحال الفلاش بحال شي نمار من القار هادو الطوبات ديال الروضة ما بغوناش القطاج كول دوك الحطاش وعصر دماغك في المونتاج ما كنبيعش البتي بان بلاك وين كرانوفاج كين من دي ما كيماش وغنبقى كي كورونا جمهوري هيماش حاوي الاربيط مارادونا مارادونا شرا ماجا خو شري لسعيدة بدر بلا مكم بنوار شري من امازون وفك امازون يا شيري فك امازون سيرو ان دي موسى ليري ديلر بنجي زيت وان تي qu'on n'est pas prêt de faiblir, que dans nos rimes leurs têtes sont en ligne de mire. Pour l'heure, on se prépare un petit gueuleton. On a du pain sur la planche pour qu'ils payent l'addition. Dealer, que ton pays est raciste, pourri jusqu'au camp anarchiste. Ne dis pas que ma cité a volé et soumise avec ta gueule d'immunité dès la naissance acquise. Dealer, qu'on a conjuré notre sort. Le rossignol n'est pas jugé par des portes. Dealer, sexisme anti-homme, racisme anti-blanc. Comment maintenir le pouvoir dominant? Dealer, chez toi pour s'intégrer, faut lever une coupe du monde ou sauver un bébé. Tiens tes papiers. On n'est pas des Charlie Sibower pour les QHS et les démunis. Et ouais, on exècre tous vos partis, tous gangrénés par l'islamophobie. Je répète, on exècre tous vos partis, tous gangrénés par l'islamophobie. Dealer, c'est évident, c'est l'heure. Depuis tout le temps, dealer, qu'on n'est pas perdu, c'est la guerre, et on sera pas perdant. Dealer, c'est évident, c'est l'heure. Depuis tout le temps, dealer, qu'on n'est pas perdu, c'est la guerre, et on sera pas perdant. Dealer, l'heure est arrivée, c'est brut, y a pas de dérivé. Tout ce qu'on veut, c'est la vérité. Ça refuse, ça te ressort des pavés. Ce que j'ai appris, c'est que je portais mes couilles dans un monde fané qui change mon or en rouille. Dis-moi qui a le pouvoir, les armes, les phénotoires, le pillage, mon ancestral, l'histoire. Dealer, c'est acide jusqu'au pic. Si ça coince dans ta théorie pratique, évite l'ethnique, fais pas diversion, change pas de lexique, me fais pas la leçon. Dealer, dealer, ils sont pas prêts. C'est pas sur les plaies qu'on fait la moisson. Un champ de colons sur peau de colonisé. C'est pas sur la torture que ça crée l'amitié. Dealer, d'ailleurs pas négociant. Amer, à l'heure et sur les dents. Grand remplacement, c'est évident. C'est moi l'indigène mastique qui te fait un tour géant. Dealer, c'est évident, c'est l'heure. Depuis tout le temps, dealer, qu'on n'est pas perdu, c'est la guerre, et on sera pas perdant. Dealer, c'est évident, c'est l'heure. Depuis tout le temps, dealer, qu'on n'est pas perdu, c'est la guerre, et on sera pas perdant. Dealer. Visite info IDC Radio Dio IDC Radio Dio Radio Dio. Et voilà, pour Plus fort j'entends rien qui s'achève. Eh oui, qui s'achève, tout simplement. Dernière proposition et dernier cadeau, bien entendu. Cette fois, eh bien, ce sera pour danser, une fois n'est pas coutume dans ce magazine, puisque ce 5 octobre prochain, eh bien, Positive Éducation organise ce qu'on appelle une nocturne au fil de 22h à 5h du mat, trois DJ et live au programme pour présenter le festival à venir au mois de novembre. On vous en reparlera largement sur Duo. Il y aura des invitations au micro pour parler un petit peu de tous ces dance floors stéphanois qui devraient arriver dans ce mois d'octobre, en tout cas pour le fil le 5 octobre. Vous retrouverez Rodad ainsi que Léa qui viennent de Berlin pour l'occasion pour faire danser Saint-Étienne. Et il y aura le duo Unspent aussi. Nous avons des invitations que vous pouvez gagner au 04 77 438 895 438 895 ou par mail avec vos coordonnées contact@radiodio.org ou par le réseau social bleu qui fait comme F et B à la suite pour ne pas faire de pub à Zuckerberg. Enfin voilà, je vous rappelle d'ailleurs tous les cadeaux que vous pouvez remporter. Il y a le CD de Lewis Evans, il y a des places pour le Rhino Jazz et notamment pour les dates de Dead Jazz le 3 octobre au Fil et de Cindy Push le 8 octobre à l'Échappée. Tout ça donc à disposition, 0477 438 895. Je vous quitte en musique avec une instru de Unspent donc, qui sera à cette soirée positive éducation du Fil le 5 octobre. Eh bien, d'ici là, qu'est-ce que je vous dis? Bien entendu, je vous dis un peu la même chose que d'habitude. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao.